de bois. Moi, ma non gode. C'est Antoine. Ma fille, non, bien. Moi, ma non de bois. Ma non gode. C'est Antoine, papa. Vin pour vin la bouillère. Mon qualité mon déboutant de monter cette adouane. Je monte à fond à l'enclairin. Il y a tombé bouillé au sou. Je vais si c'est la bouillère ou la bouillère. Bon, l'autre série, mon même qu'à cette adouane, c'est pas pour l'autre bagaille. Il y a levé le monde. Puis il y a cassé les autres épices. Puis il y a fait fétiche. Bon, l'autre série, mon même quand c'est Antoine, c'est pas pour l'autre bagaille. Ça, c'est madame, yo, côté qui t'es au nom caille. Ça, y'a au nom caille. Oui, au foot, nom caille. À la bagaille qui dit, c'est l'homme qui m'habite dans caillou. Madame, on sorti, et pour mon rétin caille, la fait la navette. La salle cuisine. Chita vite en décoré. Il comprend que c'est bon le bon. Et vous, comme allez à l'eau, il est l'eau. Ça, comme fille a dit, camarade là. Oh chéri, au grand pas dans ma dame hier soir, mon rêve. J'ai dit, oh, qui rêve vous fait? C'est pas bolette. Faut m'en dire, non, ça plus important, pas c'est bolette. Je ne vais pas raconter ma roue qui sortait ou en a dormi. Oh oui, nous voulons ces 7 ans pour aller, pour aller faire un petit prière pour vous, pour se voir j'ai un petit job, pour être capable de m'aider avec Timounio. Mon nom m'a dit, nous sommes le grand femme qui réfléchit comme ça, ça vous dit. C'est madame pour là, et vous t'en allez à Nandlo. Il Nandlo. Ça va faire monsieur Divia. Eh bien chéri, allez non. Et puis là, puis arrivé cet endroit, tu vas à la régler. Là, elle fait radiographie. Là, elle rachète dans le derrière. Là, elle baille la donne. Cet endroit, papa. Bonjour, je vous fais bien, mais dis-je, je suis.